D'ailleurs, on va refaire un point technique. Analysons un passage particulier. C'est le moment de la technique. Le morceau « Je te veux », alors, si vous écoutez bien, vous avez une batterie qui fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et une basse qui, elle, a divisé la mesure en deux, donc « Toum, toum, toum, toum, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ». Donc voilà, c'est ce côté un peu syncopé qui fait que ça donne envie de danser. On écoute. Et tout à l'heure, en intro, je parlais d'un morceau qui m'avait fait aimer le groupe. Ce morceau, en fait, est sur un autre album, mais il permet de bien illustrer ce concept-là de composition. C'est un titre qui s'appelle Tears into Wine, qui est sur l'album suivant, l'album 3. Et ce morceau-là, en fait, est composé avec vraiment un mélange entre la mélodie et la rythmique. Alors, si je vais vous jouer, c'est les premiers accords, donc en fait, les accords d'accompagnement du riff principal. Donc, si je les jouais juste avec des accords, ça donnerait ça. Et par-dessus, on va ajouter une ligne mélodique, et donc la ligne mélodique jouée seule donnerait à peu près ça. Et donc ce que fait le guitariste, c'est qu'il va prendre ces deux morceaux-là, il va les combiner, il va les jouer ensemble, ça va donner ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce titre Girl Anachronism? Eh bien, on a une suite de notes. Donc, jusque-là, il n'y a pas trop de dissonance. Bon, il y a quand même ceci qui est un triton, une quinte diminuée. Ah, le triton. Qui est déjà... Eh ben ouais, déjà, il y a ça. Mais en plus, en dessous, on a... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben ici, on a une basse en fa et un fa dièse ici qui se promène, donc... Ça, c'est vraiment très dissonant, c'est une octave augmentée, donc vraiment pas très beau. Et après, la même chose, mais avec une basse en la bémol. Pareil, cet accord-là, il y a une dissonance ici. Pareil, encore une octave augmentée, donc vraiment pas très agréable à entendre. Donc ça, c'est déjà un premier exemple de dissonance. Et des grands groupes comme les Conflicts, les Dead Kennedys, les Damned dénonçaient l'élevage intensif des poulets, les mauvais traitements des animaux de boucherie. Crass, qui est un groupe anglais qui, dans les années 80, était très actif au sein du mouvement Animal Liberation Front, donc le Front de Libération des Animaux. Donc il y a quand même des groupes qui ont bien bien marché, qui ont quand même été actifs pour la cause. Il y a un autre groupe que tu m'avais suggéré qui est bien aussi dans cette idée-là, c'est le groupe Earth Crisis. C'est peut-être le plus grand d'ailleurs. Niveau straight edge, hardcore comme ça, il n'y a pas beaucoup de groupes qui peuvent se placer au-dessus de Earth Crisis. C'est un groupe qui défend profondément le mode de vie straight edge, donc le véganisme par extension, dans pas mal de leurs morceaux. C'est un des groupes majeurs du mouvement, vraiment. Dans le titre Out of the Cage, les paroles évoquent même la nécessité d'arrêter l'exploitation animale. Continue, face of the clock.